tous ceux qui ont deux enfants et donc 84 repas à préparer par semaine. Et à ceux qui pensent que les mois ne devraient faire que 25 jours, parce qu'on se passerait bien des fins de mois, non? En ce moment, Intermarché bloque le prix d'une sélection de fruits et légumes, comme le filet d'un kilo d'oignons jaunes origine France à seulement 79 centimes. Soutenir votre pouvoir d'achat, c'est aussi ça être producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 février, calibre 50-70, catégorie 1, modalité sur intermarché.com. Pêcheur d'Islande, de Pierre Loti, dans une adaptation de Hervé Prudhon. Avec, dans les rôles principaux, Jean-Pierre Moreux, Marie-Christine Le Thor, Florence Lecor, Nicolas Struve, Frédéric Ruchot. Dixième et dernier épisode. L'été passa, triste et chaud. Gaude guettait les premiers rassemblements d'hirondelles. Elle reçut une lettre de Yann. Il l'informait qu'il était en bonne santé, que la saison de la pêche s'annonçait excellente et qu'il avait déjà 1500 poissons pour sa part. Les hommes comme Yann ignorent la manière d'écrire les mille choses qu'ils pensent. Mais Gaude sut lire entre les lignes la tendresse profonde. Il lui donnait le nom d'épouse, trouvant plaisir à le répéter. Et d'ailleurs, l'adresse seule à Madame Marguerite Gauss, Maison Mohan, en Ploubalanec, était déjà une chose qu'elle relisait avec joie. Elle avait encore eu si peu le temps d'être appelée Madame Marguerite Gauss. Elle travailla beaucoup pendant ces mois d'été. Ce qu'elle gagnait passait à embellir le logis pour le retour de Yann. L'armoire, les vieux lits à étagères étaient réparés, cirés. Elle avait arrangé leur lucarne sur la mer avec une vitre et des rideaux. Acheté une couverture neuve pour l'hiver, une table et des chaises. On commençait à avoir conscience de l'accourcissement des jours. Certaines plantes prenaient déjà un air jaune, mourant. Et enfin, les derniers jours d'août arrivèrent. Un premier navire islandais apparut un soir à la pointe de Porseven. Lequel est-ce ? C'est le Samuel Zénith. Toujours en avance, celui-là. Pour sûr, la Léopoldine ne va pas tarder. Là-bas, quand un commence à partir, les autres ne tiennent plus en place. Ils revenaient, les Islandais. Deux la seconde journée, quatre le surlendemain, et puis 12 la semaine suivante. Et la joie revenait avec eux. Et c'était fête chez les épouses, chez les mères. Fête aussi dans les cabarets, où les belles pimpolaises servent à boire aux pêcheurs. Il en manquait encore 10. Cela ne pouvait tarder maintenant. Avant 8 jours, Yann serait là. 3 des retardataires arrivèrent encore, et puis 5. 2 seulement manquaient à l'appel. Allons, cette année, c'est la Léopoldine ou la Marie-Jeanne qui ramasseront les balais du retour. Tant pis pour eux, hein. Cependant, les jours passaient. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est tout naturel, ce retard. Est-ce que cela ne se voit pas chaque année? D'abord, des si bons marins et des si bons bateaux. Ils peuvent bien traîner en route. Un matin, déjà un vrai matin d'automne, le soleil levant la trouva assise sous le porche de la chapelle des naufragés, au lieu où vont prier les veuves. en mémoire de Gao Sivon, perdu en mer aux environs de Nordenfjord, dans l'ouragan du 4-5 août 1880, à l'âge de 23 ans. Gaud regardait une place vide, sur le mur, qui semblait attendre. Yann Gauss. Non ! Je ne veux pas, non ! Qui va là ? Que venez-vous faire ici ? Calmez-vous, je vous en prie. Vous me reconnaissez ? Je suis Fante Flory. Mon mari est second sur la Léopoldine. Je suis ici pour la même chose que vous. J'apportais un cierge. Faisons un vœu. Ah oui, un vœu. Cette fin de septembre ressemblait à un autre été. Sans les feuilles mortes qui tombaient en pluie triste, on eût dit le gai mois de juin. Les maris, les fiancés, les amants étaient revenus et partout c'était la joie d'un second printemps d'amour. Gaud, un des deux navires retardataires, vient d'être signalé au large. Lequel ? Je crois fort que c'est eux. Un liston rouge, un hunier à rouleau, ça leur ressemble joliment. Qu'en dis-tu, ma fille ? Je ne sais pas, mon père. Moi non plus, à la réflexion. Non, je me trompe. Le bout d'or n'est pas pareil. Et ils ont un foc d'artimon. Ah non, c'est pas pour cette fois. Ça, c'est la Marie-Jeanne. Oh, ça veut juste dire qu'ils ne tarderont pas, hein ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Gaud continuait de se mettre en toilette, par peur de ressembler à une femme de naufragé, s'exaspérant de la compassion des autres, détournant les yeux pour ne pas croiser de ces regards qui la glaçaient. Maintenant, elle avait pris l'habitude d'aller dès le matin tout au bout des terres, sur la falaise. Elle s'en allait toute seule à l'extrême pointe de ce pays qui se découpe en cornes de renne sur la mer grise. Et elle s'asseyait là tout le jour, au pied d'une croix de granit qui domine les lointains immenses. Il y en a partout de ces croix. Elle se dresse sur les falaises pour demander grâce, pour apaiser cette grande chose mouvante qui attire les hommes et ne les rend plus, et garde de préférence les plus vaillants, les plus beaux. La mer, elle baisse, comme si lentement elle se vidait. Avec la même lenteur, les eaux remontent. Sans aucun souci des morts. Septembre venait de finir. Gaud ne prenait plus aucune nourriture et ne dormait plus. Elle restait chez elle, accroupie, les mains entre les genoux. À quoi bon se lever ? À quoi bon se coucher ? Elle demeurait là, transie, ses dents claquaient de froid. Sa bouche était sèche, avec un goût de fièvre, et à certaines heures, elle poussait un gémissement rauque, tandis que sa tête frappait contre le granit du mur. Yann, Yann. Je t'aime, Gaud. Je t'aime. Il lui arrivait de penser à de toutes petites choses. Elle s'amusait à regarder l'ombre de la Vierge de faïence s'allonger lentement à mesure que baissait la lumière. Et puis elle recommençait son cri en battant le mur de sa tête. Et toutes les heures du jour passaient l'une après l'autre, et toutes les heures du soir, et toutes celles de la nuit, et toutes celles du matin. Quand elle comptait depuis combien de temps il aurait dû revenir, elle ne voulait plus connaître ni les dates, ni les noms des jours. Pour les naufrages d'Islande, on a des indications. Ceux qui reviennent ont vu de loin le drame, ou bien ils ont trouvé un débris, un cadavre. Mais non, de la Léopoldine, on n'avait rien vu, on ne savait rien. Ceux de la Marie-Jeanne, les derniers qu'il avait aperçus le 2 août, disaient qu'elle avait dû s'en aller pêcher plus loin, vers le nord. Attendre, toujours attendre, sans rien savoir. S'il est mort, au moins qu'on ait la pitié de me le dire. Oh, le voir tel qu'il est en ce moment même, lui ou ce qu'il en reste. Si seulement la Vierge t'en priait ou quelque autre puissance voulait me faire la grâce de me le montrer, mon Yann. Vivant, manœuvrant pour rentrer. Ou bien son corps, pour être fixé au moins. Pour savoir. Il lui venait tout à coup le sentiment d'une voile surgissant du fond de l'horizon. La Léopoldine approchant, se hâtant d'arriver. Alors elle faisait un mouvement irréfléchi pour se lever, pour courir, regarder le large, voir si c'était bien vrai. Et elle retombait assise. Hélas, où est-elle cette Léopoldine? Où peut-elle bien être? Je la vois. Je vois une épave éventrée, vide, bercée sur une mer silencieuse. Bercée lentement, lentement, sans bruit, avec une extrême douceur, au milieu d'un grand calme d'eau morte. Non. Des pas d'hommes, des pas dans le chemin. À part ailleurs, qui peut passer? Qui peut venir? Les pas s'arrêtent. C'est lui. Il monte les petites marches de pierre. C'est Yann. Oh, joie du ciel, mon Yann! Il a frappé. Est-ce que ce pourrait être un autre? Mais non. Sans doute, la Léopoldine est arrivée de nuit pour mouiller juste en face, dans la baie de Port-Séven, et lui, il n'a eu de cesse d'accourir, bien sûr. Ah! Fontec, c'est toi. Madame Gaud, c'est ma femme. Elle est au plus mal dans son lit, et à présent, c'est notre enfant qui étouffe dans son berceau, pris d'un mauvais mal de gorge. Je suis venu vous demander de l'aide, si vous pouviez, pendant que j'irai à Paimpol chercher le médecin. Quoi? Qu'est-ce que tout ça peut bien me faire à moi? Votre femme, votre enfant? Je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Vous avez des nouvelles de Yann? A-t-on vu la Léopoldine? Ah, Madame Gaud, c'est vrai. Pardonnez-moi, je n'aurais pas dû vous déranger, pas vous. Pourquoi pas moi, hein? Pourquoi pas moi, Fontec? Qu'est-ce que vous croyez? Que je suis folle? Que je ne suis plus bonne à rien? Allez, en route! Quand elle revint se jeter sur son lit à 4 heures, le sommeil l'a pris parce qu'elle était très fatiguée. Elle se réveilla bientôt avec une secousse, se dressant à moitié, au souvenir de quelque chose. Il y avait eu du nouveau concernant Yann. Elle l'avait senti là, si près, à la porte. C'était comme si quelque chose de lui était revenu. C'est ce qu'on appelle, au pays breton, un présigne. Et elle passa la nuit à guetter les pas du dehors, pressentant que quelqu'un allait arriver. Elle attendit jusqu'au matin. C'est vous, père. Tu as bien mauvaise mine, ma fille. J'ai le cœur bien angoissé, moi aussi. Mais va surtout pas croire que je désespère. Oh non. Tiens, sais-tu que les derniers rentrés d'Islande parlent tous de brumes très épaisses qui ont bien pu retarder le navire. Et puis surtout, il m'est venu une idée. Ils ont dû faire escale aux îles Féroé. Oh, je te dis ça parce que ça m'est arrivé à moi-même il y a une quarantaine d'années. Même que ma pauvre défunte mère avait déjà fait dire une messe pour mon âme. Tu parles. La Léopoldine, ça, c'est un bateau. Presque neuf. Puis tu as vu comme moi les marins à son bord. Oh, grand-mère Mohan, je vous ai réveillé. N'est-ce pas que j'ai raison? Moi, la mère, elle m'a tout pris. Jusqu'à mon petit-fils. Je n'y crois plus au retour des marins. C'est pas faute que j'ai pas prié le bon Dieu ou la Sainte Vierge. Mais faut croire qu'ils n'ont rien entendu, hein? Ils ont sans doute pas aimé mes prières. Taisez-vous, grand-mère. Prions ensemble, père. Prions la Vierge Étoile de la Mer. Vous avez raison. Une escale là-bas, dans ces îles. C'est une chose bien possible, en effet. N'est-ce pas que tout n'est pas perdu? Vous ne désespérez pas, vous, son père. Mais il faut que je fasse ma toilette, puisqu'il va revenir. C'était l'arrière-automne. Des tombées de nuit lugubres ou de bonheur, tout se faisait noir dans la chaumière et noir alentour dans le pays breton. Des nuages immenses passaient faire des obscurités en plein midi. Le vent bruissait constamment. C'était comme des grandes orgues d'église jouant des airs méchants ou désespérés. Et d'autres fois, cela se rapprochait tout près contre la porte, se mettant à rugir comme les bêtes. Gaude était devenue pâle, très pâle. Très souvent, elle sortait de l'armoire les habits de son Yann, ses beaux habits de noces, les dépliant, les caressant, les repliant. Chaque soir, des brumes froides montaient de la terre. Alors, Gaude regardait la lande triste, où des petits panaches de fumée blanche commençaient à sortir çà et là des chaumières des autres. Dans ces chaumières, les hommes étaient revenus. Et les veillées devaient être douces. Avec l'hiver, le renouveau d'amour était commencé. Rentre, Gaude, tu vas nous faire attraper la mort. Où as-tu donc la tête? J'arrive, grand-mère. Mais qu'elles sont loin, ces îles Féroé. Et qu'il en met du temps pour revenir. Elle s'était remise à l'attendre. Il ne revint jamais. C'était Pêcheur d'Islande, de Pierre Loti, dans une adaptation de Hervé Prudhon. Avec Jean-Pierre Moreux, le narrateur, Marie-Christine Le Thor, la narratrice, Florence Lecor, Gaude, Nicolas Struve, Yann, Frédéric Ruchot, grand-mère Yvonne, et les voix de Jean-Claude Sachaud, Pierre-Yves Desmonceaux, Geneviève Niche, Jean-Benoît Terral. Musique, Arvo Part, Guy Repartz. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Claire Levasseur, Nadège Antonini. Réalisation, Annabelle Brouard, Étienne Vallès.